qu'on a fait fermer quand il était venu. Ah non, bon, ça c'est un Nicolandais. C'est un Nic au miel. Ah oui. Alors, oui. Alors je vous la donne. Oui, vous me le dites. C'est une recette hollandaise, c'est la mique. Ou basandaise. Enfin, oui. Et mettre un bouillon d'eau dans laquelle on a fait fondre une quantité de miel suffisante pour qu'elle soit très sucrée. Lorsque cette eau entre en ébullition, versez petit à petit de la farine de maïs en remuant constamment et très vite avec une purée de bois pour éviter les grumeaux. Laissez cuire à petit feu jusqu'à ce que la pâte commence à se détacher du récipient et on tourne toujours. Hein. Elle doit avoir alors la consistance de la couchade. Ah. Retirez du feu et versez dans un autre pot. Laissez refroidir un peu, puis épaissir la pâte avec de la farine de blé pour pouvoir la rouler et en faire des boules sans qu'elle s'attache. Passez ces boules ou miques dans la farine sèche et les mettre à cuire dans de l'eau bouillante. Les proportions exactes ne peuvent être indiquées, c'est une question de coup d'œil et de tour de main.